Claude n'a pas besoin de voiture. Notre chiffre d'affaires est en baisse. Je sais. Nous avons perdu beaucoup de clients au cours des derniers mois. Nous allons être obligés de faire quelque chose. Oui, vous avez raison. Écoutez, la maison a 3 voitures. Oui, j'en ai une. Vous en avez une. Mais vous et moi avons besoin d'une voiture. D'accord. Claude a une voiture, lui aussi. Mais il n'en a vraiment pas besoin. Vous avez raison. Claude peut très bien prendre le car.